avouer, la fille dont tu me parles, c'était une vieille amie. Depuis qu'on s'était séparés, elle avait promis me faire souffrir. Alors si tu m'abandonnes, Aminata, elle sera fière de sa vengeance. Mais quant à moi, je dois te pleurer, mon amour, si tu t'en vas, Aminata, car je suis innocent. Malebo, taxi m'a roulé jusqu'à Adjamé. Tout le monde va cadasser, Sokose. Des évadés, autres a roulé jusqu'à William Civil. Tout le monde va cadasser, Sokose. Des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Yopougon. Tout le monde va cadasser, Sokose. Des évadés, autres a roulé jusqu'à Boboka. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Pokodi, où tout le monde va cadasser. Sokose, des évadés, sautra roulé jusqu'au plateau, où tout le monde va cadasser. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Blokoso, où tout le monde va cadasser. Sokose, des évadés, sautra roulé. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Benjeville, où tout le monde va cadasser. Sokose, des évadés, sautra roulé jusqu'à Tiekoubé, où tout le monde va cadasser. Sokose, des évadés, taxi m'a roulé jusqu'à Lokotro, où tout le monde va cadasser. Sokose, des évadés, sautra roulé jusqu'au Banco. Sokose, des évadés, oh.